Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Mathieu Plante Show. Dans Termigine, Termigine, les codes d'écoute d'Occupation Double sont en chute libre. Je pense avoir entendu deux des participants dire que c'est à cause de l'argent et du vote ethnique. Dans Merci Science, les horaires décalés perturberaient la santé. Je sais pas si animer l'émission le matin, le midi et l'après-midi perturbe ma santé. Et dans Segment Geek CNX, une femme perd la vue d'un œil après avoir joué trop à un jeu mobile. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui qui vous en met plein la vue pendant que vous avez les yeux sur votre selle, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. C'est la première fois depuis le début de l'été, je pense que j'écris des blagues dans mon intro, ça me remet dedans un petit peu. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 9 octobre 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de science, technologie et médecine Merci Science et le segment Geek CNX. Malheureusement, on n'a ni Samuel Girard ni Frédéric Simon, donc pas de chronique jeux vidéo rétro, mais on se reprendra la semaine prochaine avec Frédéric Simon. Dans quelques minutes, on va se faire Television Television pour commencer l'émission. Par contre, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles. Seul de jeux vidéo. On a débuté avec la pièce Back in Block par YQN. Une petite pièce bluesée un peu. On continue avec Digit X. Voici une pièce qu'on dédie à notre président américain, Le Calme avant la tempête. La pièce Before the Storm, Sega Genesis Version. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. peu de metal chiptune, ou est-ce du chiptune metal? Before the Storm sur la Sega Genesis par Digitex. Au Mathieu Plante Show, maintenant c'est Television, Television. Télévision, télévision, on fait le survol des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours et on commence au Québec avec du People Mainstream et les codes d'écoute d'Occupation Double en chute libre. Ça me fait juste plaisir de dire que l'émission télé-réalité la plus populaire des ondes est en chute libre. Donc l'émission a perdu des plumes à son deuxième dimanche en ondes, alors que 615 000 personnes étaient au rendez-vous pour assister au retour d'Occupation Double le 1er octobre. C'est seulement 400 000 téléspectateurs qui ont poursuivi l'aventure la semaine suivante. C'est certainement une catastrophe pour V et Julie Snyder qui espéraient rejoindre plus d'un million de personnes avec cette nouvelle version de la télé-réalité. On mentionne que beaucoup de jeunes téléspectateurs visionnent l'émission sur le web, une donnée qui n'est pas comptabilisée officiellement dans les chiffres de l'agence Numéris. C'est pas selon showbiz.net que Occupation Double a perdu. C'est pas seulement Occupation Double qui a perdu les codes d'écoute. Même tout le monde en parle. Est passé d'un peu plus d'un million à 798 000 et La Voix Junior de 1,8 à 1,6 million. À quoi peut-on attribuer cette baisse? On dit que le long week-end et le match des Canadiens contre les Rangers sur TVA Sports pourraient expliquer partiellement la situation. Selon Hugo Dumas de La Presse, V aurait l'intention de déplacer son gala du dimanche le lundi soir à 21h. Peut-être que de vouloir affronter La Voix Junior et tout le monde en parle en même temps, c'était pas une bonne idée finalement. Voilà. C'est les données préliminaires en passant pour les codes d'écoute du dimanche 10 octobre en direct et en différé effectués le même jour. Ensuite, toujours au Québec, deux femmes pour succéder à Brigitte Vincent à la tête des chaînes Historia et Série Plus. Brigitte Vincent a quitté ses fonctions chez Corus le 3 octobre dernier pour se joindre à groupe V-Média. Catherine Vidal, directrice des productions originales, et Julie Potera, directrice des acquisitions, sont nommées pour lui succéder à la direction de la programmation des chaînes. Catherine Vidal supervise les productions originales des chaînes Historia et Série Plus depuis février 2015. Auparavant productrice et réalisatrice de documentaires, elle a été associée et fondatrice de la compagnie de production Baroque. Chez Corus, elle est entre autres derrière les récents succès Mon ex à moi, Billy Vaux et Le lot du diable. Julie Potra chapeaute l'ensemble des acquisitions pour les chaînes Historia et Série Plus depuis 3 ans. Comptant plus de 15 années d'expérience dans l'industrie de la télé, elle a permis d'ajouter à la grille les récents succès Bull, Code Black ainsi que La Malédiction de Oak Island. Elle travaillait auparavant au sein de l'équipe de programmation des chaînes Super Écran ainsi que Z-Télé. La direction de la programmation de la chaîne Disney et de Télétoon est toujours assumée par Katie Wilson, secondée par Hugues Dufour, producteur exécutif aux productions originales pour Télétoon. À Radio-Canada, maintenant, Caroline Jamais devient directrice de la radio de Radio-Canada. Je sais que la chronique s'appelle Television Television, mais j'ai pas de chronique radio-radio, comme je le dis à chaque fois. Donc, la radio de Radio-Canada a une nouvelle patronne. Le diffuseur public a annoncé que Caroline Jamais sera la nouvelle directrice générale radio, audio et Grand Montréal du service français de Radio-Canada, succédant à Patrick Pechinska, qui part à la retraite. Ça comprend ici première et ici musique, ainsi que l'offre et la stratégie littéraire numérique audio. Caroline Jamais était vice-présidente aux communications de La Presse et présidente des éditions La Presse. Le président de La Presse, Pierre-Éliott Levasseur, a fait l'éloge de son travail pour le quotidien montréalais depuis son arrivée en 2000. Elle va entrer en fonction à Radio-Canada le 27 novembre prochain. On passe d'un conglomérat à un autre. Cogeco TV qui change le nom pour la chaîne Nous. Pour faire concurrence à Ma TV de Québécois. Donc, Cogeco dévoile une nouvelle image pour ses télévisions communautaires. Les 15 stations Cogeco TV au Québec portent maintenant l'appellation Nous TV et les 19 chaînes ontariennes s'appellent Your TV. Your voulant dire votre. Je comprends pas pourquoi c'est nous en français et votre en anglais. Il y a une dissonance cognitive qu'on appelle. Bref, cette nouvelle désignation incarne l'appartenance de Cogeco à sa communauté, disent-ils. En plus de renforcer l'importance de l'engagement de la population et des organismes locaux dans la réalisation du contenu télévisuel diffusé dans les régions servies. Ce changement s'inscrit dans une volonté de faire évoluer les marques de Cogeco afin de les rendre plus dynamiques et plus en phase avec leur engagement. Selon Daniel Boisvert, vice-président marketing et innovation de Cogeco Connexion, cette démarche fait suite à la décision il y a plus d'un an de renouveler la signature d'affaires de l'entreprise. Cogeco avait alors modifié son identité de marque avec le slogan « Passer en mode épatant ». Moi, j'avais apprécié le changement de TV Cogeco à Cogeco TV pour mettre le nom de Cogeco en avant-plan. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Je ne comprends pas le nouveau changement, surtout que Nous TV a un logo qui ressemble à un site d'hébergement web des années 90, début 2000. Vraiment pas joli du tout. Mais bon, faites-vous votre propre opinion en allant voir l'article sur assemblagerequis.com. C'est bleu et orange, c'est particulièrement frais. Toujours au Québec, la chanson d'ici est toujours à l'honneur à Télé-Québec. C'est la deuxième année consécutive où Télé-Québec va présenter le premier gala de la disque, ou l'a présenté, évidemment, c'était au passé. Devant le succès de la campagne et les retours positifs sur l'initiative de l'an dernier consacrée à la chanson francophone d'ici, Télé-Québec poursuit sur la même voie en recourant pour cette année cette rentrée à des chansons de deux des plus grands artistes de chez nous, Charles Théroux et Plume la Traverse. Bref, on mentionne plein de chansons comme ça. La chanson Un homme de Charles Théroux présente au public Pierre-Yves Laure, le nouvel homme en or qui co-anime aux côtés de Patrick Lagacé, deux hommes en or. On peut pas tout avoir de Plume la Traverse et quant à elle, un clin d'œil au conseil de Pierre-Yves McSween dans l'indice McSween. Plusieurs émissions conservent leur générique de l'année passée. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait changé les introductions, les génériques d'émissions, on les avait changés pour des chansons par des artistes québécois. Il y a des émissions qui sont retournées à leur vraie chanson thème habituelle, mais il y a des émissions qui ont gardé leur nouveau thème. Donc ça vaut le coup, garde la chanson de Corias Tsibidir. Conseil de famille, je trouvais que leur première intro était meilleure, mais ils ont gardé Baby Boom de Yann Perrault. Ensuite, Cuisine futée, parents pressés, garde Cargué dans ma chaise de Radio-Radio. Curieux Bégin, garde Aimes-tu la vie de Boule Noire. Distasio, garde Aimé-Aimé de David Giguère. Formule Diaz, garde Camouflard de Galaxy. Et Génial, garde Renégat de Alexandre Desilets. Voilà, donc pour ça, j'ai dit que c'est au passé les galas de la disque, c'est parce que je m'en sac complètement, mais pour la deuxième année consécutive, Télé-Québec va présenter le premier gala de la disque animé par Sébastien Diaz le 26 octobre, donc c'est pas passé, hein? Ça m'apprendra à pas être au courant de la culture populaire québécoise. Toujours au Québec, une troisième chaîne réservée aux adultes pour notre amie Anne-Marie Lozic. Déjà distributrice de Vivid TV et Hustler TV au Canada, l'entreprise Vanessa Media de Anne-Marie Lozic s'apprête à lancer une troisième chaîne pour adultes au pays. La compagnie québécoise s'est associée à la société Marc Dorcel, un gros joueur dans l'industrie des films pornographiques, pour diversifier les contenus destinés aux 18 ans et plus, en proposant notamment une importante offre de vidéos sur demande en français et en anglais. Chez Marc Dorcel, dont la présence s'étend sur 56 pays, on se réjouit bien sûr de pouvoir développer davantage les marchés québécois et canadiens. Le nom de la chaîne et la date de lancement n'ont pas encore été annoncés. On va aux États-Unis maintenant pour parler de Bob's Burgers. 20th Century Fox prépare un film pour 2020 basé sur cette série télé. Selon le site Deadline, 20th Century Fox a confirmé cette semaine qu'ils vont développer un long métrage basé sur la série animée qui devrait sortir donc le 17 juillet 2020. La série sort d'une victoire aux Emmy cette année pour Outstanding Animated Series et a gagné le même honneur en 2014. La série est apparue pour la première fois sur la Fox à la mi-saison 2011 et Fox Animation va produire le film. Voilà. Bob's Burgers, c'est Bob Belcher qui tient un petit restaurant de burger dans une ville fictive américaine, aidé par sa femme, l'exubérante Linda, ainsi que ses trois enfants, Tina, Jean et Louise. Voilà. Ensuite, on va sur Internet. Pas grand-chose aux États-Unis, donc on va directement à Internet, mais on garde le Québec en tête avec le Cifrio qui rapporte une forte hausse du visionnement en ligne. La popularité des services payants de visionnement en ligne est en forte hausse au Québec selon le premier volet d'une enquête menée en 2017 par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, donc le Cifrio. L'enquête précise que 53% des foyers québécois connectés à Internet sont désormais abonnés à de tels services payants, comparativement à 40% en 2016. Les foyers avec enfants et ceux ayant un revenu supérieur sont plus nombreux à souscrire à de tels abonnements. Le Cifrio ajoute qu'au Québec, la plateforme la plus populaire est Netflix, bien sûr, puisque 33% des foyers québécois branchés y sont abonnés. Club Illico et Extra tout TV suivent à 19 et 4% respectivement. Malgré la popularité grandissante de tels services, 84% des foyers québécois souscrivent encore à un service de télévision, que ce soit par câble, fibre ou satellite. Seulement 15% d'entre eux prévoient annuler leur abonnement au cours des 12 prochains mois, alors que 12% modifieront leur abonnement en réduisant le nombre de chaînes. Par ailleurs, le Cifrio constate que 9 foyers québécois sur 10 sont connectés à Internet, ce qui représente une progression de 18% depuis 2007. De ce nombre, 91% sont dotés du réseau Wi-Fi et 66% ont une connexion avec un forfait illimité. L'enquête révèle aussi que 6 détenteurs de téléphones intelligents sur 10 utilisent régulièrement des réseaux Wi-Fi lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur domicile. Les deux tiers des détenteurs de téléphones intelligents disent désormais utiliser leur appareil plusieurs fois par jour pour naviguer sur Internet, une croissance de 13% par rapport à l'année dernière. Ensuite, presque la moitié des milléniaux et des gens de la génération X ne regardent pas du tout la télé traditionnelle en général, selon une étude. Presque la moitié donc des 22 à 45 ans regarde absolument aucun contenu sur des plateformes télévisuelles, selon une nouvelle étude de Omnicom Media Group et leur agence Hearts and Science. À la place, donc, 47% qui consomment des contenus vidéo sur des plateformes de streaming qui n'existaient pas très récemment quand même. C'est ce qu'on nous dit donc selon cette étude-là. Moins du tiers de la télé et de la vidéo regardée par des milléniaux et des gens de la génération X est suivi par les mesures traditionnelles selon l'étude d'un sondage d'environ 1500 personnes. Le reste est regardé dans des applications sur des téléphones intelligents et des appareils de streaming comme Roku et l'Apple TV. Toujours sur le web, une web-série humoristique développée par la Place des Arts. La Place des Arts qui lance une web-série humoristique de 10 épisodes issue du Plan culturel numérique du Québec et arrimée au programme éducatif 2017-18 soutenu par sa fondation. Si j'avais un tech mettant en vedette les acteurs Mehdi Boussaïdan, Marianne Verville et Jean-Carl Boucher, ainsi que les YouTubers Camille Grandbrune et Simon Leclerc, mettent en lumière les métiers de la scène en plus de démontrer l'impact et le rôle de premier plan de créateurs et de travailleurs en art de la scène. Les 10 courtes capsules nous font entrer dans l'imaginaire de Malik, joué par Mehdi Boussaïdan, un jeune YouTuber à l'imagination fertile qui s'amuse à revisiter des situations banales de sa vie d'ado. Oui, il joue encore un ado. On réalise bien vite que les situations auraient pris toute une autre tournure s'il avait été accompagné d'un régisseur, d'un metteur en scène, d'un accessoiriste ou d'un chorégraphe. Du contenu thématique lié au mode de la scène, réalisé par la Place des Arts et scénarisé par des collaborateurs, a été développé en complément à la web-série. Donc l'animateur et chroniqueur Jean-Sébastien Girard nous offre un lexique des arts de la scène. La comédienne Karine Gontier-Heinemann nous explique comment pleurer sur commande. Et l'humoriste Kevin Raphaël analyse le travail des techniciens lors de montage. Le contenu qui est dévoilé de façon hebdomadaire selon la thématique de la semaine. Une série animée francophone pour les appareils mobiles destinée aux jeunes s'en vient. Sarah-Jeanne Labrosse et Catherine Brunet prêtent leur voix aux personnages. Annoncée depuis l'automne 2016, la série d'animation jeunesse Maxi, développée pour les tablettes et téléphones intelligents par Groupe Média TFO et Frima, est maintenant offerte aux francophones de 6 à 12 ans partout au pays via l'application Maxi Créateur BD sur iOS depuis le 28 septembre sur Android. En plus de visionner les épisodes, il est possible d'explorer l'univers éclaté de Mara et Zilo. Et notamment débloquer de multiples contenus lors des visionnements ou encore créer des bandes dessinées interactives à partager avec leurs amis. Tous les jeudis, un défi hebdomadaire est lancé. Maxi raconte l'histoire de Mara et Silo, deux jumeaux siamois à temps partiel qui évoluent dans l'univers fantastique et surréaliste de la planète Vakarma. Avec son approche à la fois éducative, subtile, amusante et axée sur le développement durable, la série sensibilise le public aux impacts de l'activité humaine sur l'environnement, disent-ils. Original et actuel, encore une fois, disent-ils, les aventures vécues par les deux protagonistes et leurs amis ont été pensées pour captiver toute la famille et favoriser l'écoute entre parents et enfants. Sarah-Jeanne Labrosse joue Mara et Nicolas Charbonneau joue Silo. Catherine Brunet, elle, joue Kat. À compter donc du 4 novembre 2017, la série Maxi sera également diffusée sur la chaîne TFO. Netflix a envoyé une lettre de cease and desist à un bar pop-up de Stranger Things. Cease and desist, c'est quand on dit, bon, arrêtez de faire tout ce que vous faites par rapport à ce que vous faites, finalement. Donc, Netflix a envoyé ça au Emporium Arcade Bar aux soins de Danny et Doug Marks sur Milwaukee Avenue à Chicago, dans l'Illinois, en disant, je cite un petit peu, je vais paraphraser quand même, bon, là, ils font des références à Stranger Things en disant que mon walkie-talkie est brisé, donc j'ai été obligé de t'écrire une note à la main. J'ai entendu dire que tu as lancé, ou que vous avez lancé, voilà, un bar pop-up de Stranger Things à Logan Square. Je voudrais pas que vous pensiez que je suis complètement nul et j'adore que vous aimiez l'émission et attendez de voir la saison 2, ça va être extraordinaire. Mais bref, là, ça continue en disant plein de détails sur Stranger Things et ça dit, je veux pas faire le Dr. Brenner là, avec vous, mais on demande de 1. Ne pas continuer votre pop-up après 6 semaines, tel que prévu au départ, jusqu'en septembre. Et numéro 2, nous contacter pour avoir la permission pour faire quelque chose du genre de nouveau. Dites-moi aussitôt que possible que vous êtes d'accord avec ces demandes. Nous aimons nos fans plus que n'importe quoi d'autre. Mais bon, bref, ça continue avec plein de trucs que je connais pas de Stranger Things. Donc c'est gentil, c'est le conseiller senior. Et bref, pour les marques chez Netflix qui a écrit ça, à ce bar pop-up, donc un bar temporaire, qui était à Chicago, en Illinois. Sympathique de la part de Netflix quand même. Et une future série de super-héros atypiques s'en vient sur Netflix dans un futur plus ou moins rapproché. On parle de Raising Dion, une série sur une mère célibataire qui doit élever son fils, qui dispose de pouvoirs compliqués à gérer. Donc, si vous aimez les histoires de super-héros, hein, il n'y en a pas assez de séries comme ça sur Internet. Donc, c'est basé sur un court-métrage et une bande dessinée du même nom de Dennis Liu. Il s'agira d'une série Netflix en 10 épisodes à venir prochainement. Dans Raising Dion, le scénario s'intéresse surtout à Nicole, une mère célibataire afro-américaine dont le jeune fils Dion possède de mystérieux pouvoirs qui ne cessent de changer. Et pour ne rien simplifier, elle va devoir le protéger de personnes qui souhaitent exploiter les capacités du petit garçon, qui va donc devoir rester discret. Pour l'aider dans sa tâche, elle va se faire aider de Pat, le meilleur ami de son mari décédé. Ce dernier, Mark, sera incarné dans la série par Michael B. Jordan, qu'on connaît pour Friday Night Lights, qui fera également office de producteur exécutif via Outlier Society Productions. On relèvera également le nom de Michael Green de American Gods et Logan à la production, et le fait que l'émission sera dirigée par Carol Barbie, productrice de l'émission Unreal ou encore Touch. Elle écrira également le premier épisode que Dennis Liu réalisera. Voilà. Raising Dion, D-I-O-N. C'est tout pour Television, Television. Tantôt, on va continuer ça avec Merci Science, mais on continue avant ça avec un petit peu de chiptune. On s'en va entendre un de nos préférés à l'émission, c'est Amateur Alice DJ, que voici avec Fleur. Oui, c'est vraiment en français, Fleur. MPS, le Mathieu Plante Show sur CIF. We'll be right back.

Des études toxicologiques in vitro et chez l'animal ont mis en évidence que ces composés étaient des perturbateurs endocriniens et pouvaient interagir avec des systèmes hormonaux impliqués dans le développement normal du système nerveux central. Les mécanismes précis qui pourraient expliquer un effet des perturbateurs endocriniens sur le neurodéveloppement et le comportement pourraient passer par une altération du fonctionnement des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes aussi, c'est deux choses différentes, comme l'estrogène, dans ce cas-ci, ou d'autres hormones comme l'ocytocine ou la vasopressine, des hormones sécrétées par l'hypothalamus. Face à ces premières conclusions chez l'animal, les chercheurs ont donc souhaité étudier l'association entre les expositions aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse et le comportement ultérieur des enfants. L'étude parue dans la revue Environmental Health Perspectives a porté sur 529 petits garçons de la cohorte mère-enfant Eden, mise en place par l'Inserm. Les femmes enceintes participant à cette cohorte ont été recrutées entre 2003 et 2006 dans les CHU de Nancy et Poitiers. Au 3e et 5e anniversaire de l'enfant, ces mamans ont rempli un questionnaire standardisé évaluant certains aspects du comportement de leur enfant, tels que l'hyperactivité, les troubles émotionnels et les troubles relationnels. Ce questionnaire standardisé, utilisé depuis une vingtaine d'années, s'appelle « Questionnaire des forces et difficultés de l'enfant » permet d'établir un score dans différentes dimensions du comportement tels que les symptômes émotionnels, les problèmes de relation avec les pères, les problèmes de conduite, d'hyperactivité et d'inattention. Un échantillon d'urine prélevé durant la grossesse a permis le dosage de biomarqueurs caractéristiques de l'exposition au phénol et au phtalate dans le laboratoire de santé environnementale des CDC d'Atlanta qui est en charge des campagnes de biosurveillance américaine. De 70 à 100% des femmes de la cohorte Eden recrutées durant leur grossesse entre 2003 et 2006 étaient alors exposées à des niveaux détectables de différentes substances. Les niveaux urinaires étaient de l'ordre de 1 à 3 microgrammes par litre pour le bisphénol A, de 10 à 100 microgrammes par litre pour le triclosan et de 50 à 200 pour le méthylparabène. Les résultats suggèrent que l'exposition maternelle à certains phénols et phtalates est associée à des troubles du comportement des petits garçons. L'exposition au bisphénol A était associée à une augmentation des troubles relationnels à 3 ans et des comportements de type hyperactif à 5 ans. Les chercheurs notent que ce travail confirme ainsi que les effets du bisphénol A sur le comportement observé chez l'animal de laboratoire se retrouvent chez l'humain et des expositions faibles, probablement inférieures à celles préconisées par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, le EFSA. Le métabolite du DBP était, lui, associé à davantage de troubles émotionnels et relationnels, incluant des comportements de repli à 3 ans, mais pas à 5 ans pour les troubles émotionnels. Des associations entre ces composés et le comportement avaient déjà été mises en évidence, oui, dans des études précédentes chez le jeune garçon et chez l'animal. Ainsi, dans une étude réalisée à partir de femmes et d'enfants new-yorkais, une augmentation des comportements de repli chez les enfants de 3 ans avec des niveaux croissants de métabolites du DDP avait été rapportée en 2012. Les résultats de cette étude ont aussi montré une association entre le triclosan et une augmentation des troubles émotionnels de 3 à 5 ans. Il s'agit de la première étude évaluant les effets de ce composé sur le comportement, pour lequel l'équipe d'épidémiologie environnementale de Grenoble avait déjà mis en évidence une diminution du périmètre crânien à la naissance dans cette même population. L'effectif de l'étude, qui est une des plus vastes sur la question, ne permettait pas d'étudier directement la survenue des pathologies du comportement comme les troubles du spectre autistique, autiste, je pense qu'on dit au Québec, ce qui impliquerait de suivre des dizaines de milliers d'enfants. Les équipes de recherche vont désormais s'attacher à répliquer ces résultats au sein de la cohorte mère-enfant CEPAGE en cours présentement dans la région grenobloise, coordonnée par l'Inserm et soutenue par le European Research Council. Dans cette dernière, de nombreux échantillons d'urine par participant sont recueillis durant la grossesse et les premières années de vie de l'enfant. Cette approche permettra de limiter les erreurs de mesure de l'exposition et d'identifier de potentielles périodes de sensibilité au phénol et phtalate sur différents événements de santé tels que la croissance, le comportement ou la santé respiratoire. Ça permettra ainsi d'étudier l'effet éventuel de ces substances chez les petites filles qui n'avaient pas encore été considérées. Il est possible que leur sensibilité aux perturbateurs endocriniens diffère de celle des garçons. Et pour terminer, la culture scientifique canadienne laisse à désirer, nous informe l'agence Science Presse. Pour signer la semaine canadienne de la culture scientifique qui avait lieu du 18 au 24 septembre, le Centre des sciences de l'Ontario a eu l'idée d'un sondage. Les résultats ne sont pas réjouissants. 40% des Canadiens considèrent que la science derrière le réchauffement climatique n'est toujours pas claire. Et pour 43%, la science est une opinion. Le sondage a été réalisé par la firme Léger auprès de 1514 Canadiens les 15 et 16 août derniers. Moins percutant, mais tout aussi troublant, 24% des Canadiens identifiés à la génération des milléniaux disent que les vaccins sont liés à l'autisme. Hein, l'Internet, avec ses informations douteuses. C'est dans cette génération que le taux est le plus élevé, tout groupe d'âge confondu. On parle de 19% qui y croient. Mais il y a une prise de conscience. 33% se disent incompétents en science, ce qu'on appelle « science illiterate », illettré scientifique en anglais. Et 79% se disent inquiets que les fausses nouvelles puissent nuire à la perception qu'a le public de la science. Peut-être justement ceux qui pensent que les vaccins causent l'autisme. Interrogé par Radio-Canada, l'experte Kelly Brunson de l'Université d'Ottawa y voit des gens confus quant à ce que c'est qu'une source fiable. Ils ne savent pas où aller pour obtenir de l'information crédible et ne savent pas comment distinguer les faits des croyances. Justement, allez donc sur des sites comme l'agence Science Presse, Radio-Canada, des sites comme Le Devoir. Il y en a plein des sources d'information fiables. Facebook n'est pas nécessairement parmi celles-ci. Voilà pour le segment Merci Science. Assez court aujourd'hui. Trois nouvelles, mais trois longues. Non, deux longues et une très courte. Voilà, donc pour Merci Science, les liens sont sur assemblagerequis.com. On retourne en Chip2. On s'en va entendre, en fait, deux. Non, on retourne. Oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on retournait à Temp Sound Solutions, l'album Remixes Volume 8. Et on écoute une deuxième pièce après Way I Am de tout à l'heure. Voici All I've Got, I Had to Steal. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Une deuxième pièce de chiptune hip-hop de Temp Sound Solutions. Oh, I've got, I had to steal au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est le segment Geek Cynics. Cynics, où on parle de nouvelles qui sont cool, nouvelles extrêmement intéressantes. Hein, c'est un peu le principe de la chose. Commençons par un tatou à l'encre intelligente. Des chercheurs ont imaginé des tatouages capables de fournir des informations à fleur de peau, comme les taux de glucose et de sodium, ainsi que le pH de votre épiderme. J'ai hâte que ça remplace la Apple Watch, qui est beaucoup trop lourde et encombrante pour moi. Donc, des chercheurs de l'université de Harvard et du MIT ont imaginé un tatouage capable de donner des informations sur l'état de santé d'une personne. Ali Yetison et Nang Jian ont développé Dermal Abyss, une encre embarquant des composés biosensibles changeant de couleur en fonction de la composition chimique du liquide interstitiel qui remplit tous les espaces entre les cellules et les capillaires sanguins. Grâce à elle, plus besoin d'appareils électroniques qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut charger et mettre à jour, ni de smartphone pour lire les données. Tout est dans la peau. Grâce à ces encres qui pourraient tout à fait être intégrées à la composition d'un tatouage classique, un diabétique pourrait gérer sa glycémie d'un coup d'œil et un sportif serait quand il commence à se déshydrater, par exemple. D'après les chercheurs, on pourrait imaginer de nombreux autres usages pour ces encres, même si elles ont encore besoin d'être stabilisées pour ne pas s'affadir ou se diffuser au-delà du tatouage. Ils ont pour l'instant conçu 3 encres différentes qu'ils ont testées sur de la peau de porc, assez semblable à la peau humaine. Vous pouvez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. La première passe du bleu au marron lorsque le taux de sucre augmente dans le liquide interstitiel. Une autre passe du violet au rose en fonction du pH de la peau et la dernière change d'intensité sous les UV au fur et à mesure que le taux de sodium croît. Ces encres peuvent également être rendues invisibles à l'œil nu et ne se révéler que sous une lumière particulière. Les chercheurs ont aussi développé une appli qui peut analyser l'image de ces tatouages biosensibles pour donner des indications médicales. Depuis quelques années, plusieurs équipes de chercheurs travaillent sur des tatouages capables de mesurer les constantes vitales d'une personne, mais ils ont eu recours à des éléments RFID. Ces encres sont encore loin de la commercialisation, ont ajouté les chercheurs, qui ont précisé avoir surtout voulu ouvrir un nouveau champ de réflexion sur la symbiose entre l'être humain et les technologies. Reste qu'il faudra également évoquer la question éthique que posent ces encres, puisqu'elles rendront des informations médicales visibles de tous. Des chercheurs ont aussi créé des super capteurs ultra fins et comestibles. Ils sont gentils, ces chercheurs-là. Un des problèmes pour transporter de la nourriture aux quatre coins du globe, c'est que certaines denrées nécessitent d'être maintenues à une température bien précise. En Suisse, des chercheurs ont mis au point des capteurs ultra fins, comestibles et biodégradables qui pourraient être la solution parfaite. Ces super capteurs sont parfaits pour suivre avec précision la température de la nourriture et le fait qu'ils soient parfaitement comestibles offrent une grande simplicité d'utilisation. Avec leurs 16 petits micromètres, ils sont plus fins qu'un cheveu humain. Ils sont faits d'un polymère créé à partir de maïs, d'amidon, de magnésium et de dioxyde de nitrure de silicium soluble dans l'eau. Selon le directeur de l'équipe de recherche Giovanni Salvatore, durant la préparation pour le transport vers l'Europe, le poisson du Japon pourrait être mis à température avec ses capteurs, ceci permettant de s'assurer en continu qu'ils sont maintenus à une température suffisamment basse. Pour l'instant, ces capteurs nécessitent toujours une alimentation filaire. Ils sont reliés à une micro-batterie, un microprocesseur et un transmetteur via des câbles. Les chercheurs envisagent aujourd'hui plusieurs moyens pour alimenter ces 5 kg et embarquent une batterie de 1000 watts-heure qui lui procure une autonomie de 90 minutes. Et grâce à sa taille fine de seulement 25 cm, il peut passer dans des espaces extrêmement réduits de 30 cm. Pourquoi ce détail? Parce que ce robot, encore à l'état de prototype, a été conçu pour intervenir lors de catastrophes naturelles, en particulier dans des usines et des espaces confinés. C'est en remplaçant les câbles traditionnels par de la fibre optique 8 fois plus fine que la firme japonaise a réussi à concevoir un robot aussi fin et léger. Selon Hyundai, il peut s'adapter à un grand nombre de situations. Il peut marcher à 4 km/h, se déplacer à 4 pattes à la vitesse de 2,3 km/h, enjamber les tuyaux au sol, marcher sur des débris variés, monter des escaliers ou à une échelle et attraper des objets. La firme japonaise précise qu'il peut même marcher et monter sur une échelle sous une pluie battante. Bien sûr, pour se déplacer ainsi, il faut voir ce qui se trouve devant lui. C'est pourquoi Honda a équipé E2DR de 2 lasers pour déterminer la distance des objets, de plusieurs caméras, dont des modèles 3D dans les paumes des mains et d'un projecteur infrarouge. Il est également capable de résister à une grande amplitude de température, de moins 10 à plus 40 degrés. Dans ce dernier cas, il ne risque pas la surchauffe, assure Honda, car il est normalement équipé d'un système de refroidissement qui comprend un système de ventilation pour évacuer l'air et le maintenir en mouvement. Ce que Honda ne dit pas, c'est comment se comporte le robot en cas de chute. Évidemment, on se rappelle d'Asimo qui s'était planté à un moment donné dans des escaliers. La firme indique qu'elle est en train de lui apprendre à gérer les chocs. Elle ne dit pas non plus ce que fait le robot une fois qu'il a trouvé un rescapé. On saura peut-être quand la société japonaise présentera une version finale de cette machine. Ensuite, une maison imprimée en 3D à Nantes. C'est une première grâce à BatiPrint. Inventé à l'Université de Nantes, BatiPrint est un procédé de fabrication utilisant un robot mobile. Il a été testé grandeur nature. Une véritable maison est en construction. Certifié, il sera habité l'année prochaine. L'innovation se voit au premier coup d'œil. Le coffrage du béton déposé par le bras robotisé deviendra l'isolant interne et externe, comme Benoît Furet l'a expliqué au site Futura Science. Une méthode efficace et unique au monde, bientôt exploitée par une start-up. Donc, dans le quartier de Bottières, à Nantes, une maison type HLM de 95 mètres carrés qui comportera 5 pièces commence à s'élever et présente déjà une allure originale. Avec ses formes arrondies, elle semble s'insinuer entre les arbres qui se trouvaient là. Ce dessin inhabituel, qui serait un grand luxe avec une construction classique, est très facile à obtenir. C'est un bras robotisé qui édifie les murs par un procédé d'impression en 3D. On dit que c'est pas la première maison imprimée ainsi, ça existe dans d'autres pays. Mais le procédé BatiPrint est unique parce qu'il installe deux parois en polyuréthane puis au milieu du béton. Le polyuréthane restera dans la construction et servira d'isolant. Avec les méthodes d'impression 3D habituelles, la machine dépose du béton banché, donc dans un coffrage. Cette mousse blanche qui ressemble à de la crème fouettée se solidifie, formant une succession de boudins blancs s'élevant à chaque passage du robot. Lui aussi mis au point à l'Université de Nantes, il est mobile pour se déplacer facilement le long du mur et travaille avec un bras articulé à 6 degrés de liberté. Après le coulage du béton entre les deux parois par le même robot, il faudra lisser la paroi extérieure pour y appliquer l'enduit. Mais ce n'est pas un ponçage à plat, nous dit-on. On laisse une partie du relief créé par le dépôt des polyuréthanes, ce qui permet de mieux accrocher l'enduit. Et à l'intérieur, il pose du placoplâtre. Cet isolant est connu comme celui des réfrigérateurs. Il ne dégage pas de composés organiques volatiles, selon eux. Résultat, donc, une isolation thermique déjà en place à la fin de la construction. De plus, les formes courbes permises par le procédé d'impression 3D améliorent la performance thermique. C'est au niveau des angles droits que l'eau a tendance à s'accumuler, là où sa circulation et l'évaporation sont entravées. Cette maison répond aux normes de régulation thermique RT 2012 et même moins 40% en dissipation, c'est-à-dire que l'isolation est 40% meilleure. Cette possibilité de réaliser des formes à peu près quelconques, oui, est le principal avantage du procédé d'impression 3D. Le principe a permis d'installer la maison entre les arbres existants sans en couper aucun. Une jolie maison qui a poussé grâce à un partenariat élargi public et privé du CNRS à Bouygues en passant par Nantes Métropole, regroupée dans ce projet de démonstrateur baptisé Innova. Grâce à West Valorisation, une société d'accélération de transfert de technologie, le procédé BatiPrint breveté devient exploitable par une start-up. Déjà 10 maisons sont en préparation et le robot constructeur semble avoir du travail à faire. Allez voir vidéos et photos sur assemblagerequis.com. Parlant d'impression 3D, il est maintenant possible d'imprimer une arme à feu en 3D et c'est beaucoup trop facile en fait. N'importe qui peut désormais se confectionner un Colt 45 plus vrai que nature grâce à la mise à jour de l'imprimante 3D du crypto-anarchiste Cody Wilson qui fait de nouveaux scandales. Ce jeune Américain de 29 ans s'est distingué il y a 4 ans en fabriquant pour la première fois un pistolet imprimé en 3D, mais à l'époque l'objet était en plastique. L'autoproclamé crypto-anarchiste innove maintenant en rendant accessible la production d'armes de poing en métal. Il vient pour cela de mettre à jour son imprimante 3D Ghost Gunner, lancée en 2014 pour concevoir des fusils d'assaut en métal. La difficulté était de parvenir à tailler le cadre en aluminium d'un pistolet. Et bien, c'est chose faite pour des semi-automatiques comme le pistolet Colt 45. D'autres modèles comme le Glock devraient suivre. L'idée avec cette mise à jour, c'est de permettre à tous de pouvoir se confectionner chez soi un pistolet aussi efficace et pimpant que ceux produits en usine. Dit-il, l'opération ne dure pas plus d'une heure et nécessite peu d'intervention humaine. Il faut débourser quand même 1675 $ US pour acquérir l'imprimante sur la plateforme Defense Distributed de Cody Wilson, sans compter la livraison et le coût des matières premières. Mais les plans sont accessibles en ligne et en open source. Le tout permet de se dispenser d'un port d'armes et de faire appel à un vendeur agréé. Une production parallèle échappant totalement au contrôle des États puisque ces armes ne possèdent aucun numéro de série. Elles sont donc intraçables. C'est assez épeurant, bien sûr, après ce qui s'est passé aux États-Unis et ailleurs dans les dernières années. J'en parlais en introduction dans un domaine complètement différent. Une femme qui perd la vue d'un œil après avoir trop joué à un jeu mobile. Une femme de Dongguan en Chine a récemment été diagnostiquée d'une occlusion artérielle rétinienne dans son œil droit après avoir joué à un jeu mobile très populaire de manière quasiment ininterrompue. Un fait divers qui servira d'alerte à bien des gens, ou a remarqué qu'elle ne voyait plus rien de son œil droit le 1er octobre dernier. Alors qu'elle jouait à son jeu préféré, là, ceux qui veulent le chercher, là, c'est King of Glory. Pensant simplement être fatiguée, elle alla se coucher, mais se réveilla le lendemain avec toujours son œil droit incapable de voir quoi que ce soit. Ses parents l'ont amenée immédiatement à l'hôpital. Les yeux de Yu étaient incroyablement fatigués. D'après la jeune femme, durant une journée normale, elle rentrait du travail et se mettait à jouer 7 à 8 heures de suite sans aucune pause. Elle travaille en finance devant un écran d'ordinateur, ce qui met bien sûr encore plus ses yeux à contribution, et la situation était pire durant ses jours de repos où elle jouait constamment, ne s'accordant que quelques heures de sommeil. Ses yeux n'en pouvaient plus, le droit a fini par lâcher. La jeune femme est toujours à l'hôpital, en date de l'article bien sûr, où les médecins tentent de lui rendre la vue, mais pour l'instant aucun progrès notable, nous dit-on. L'histoire de Wu est rapidement devenue virale en Chine. Les ophtalmologistes ont profité de l'occasion pour rappeler à tous et chacun l'importance de faire des pauses régulières lorsqu'on est devant l'écran. C'est incroyable qu'on doive dire ce genre de choses-là. Hein? Ensuite de ça, on parle de Steam un petit peu dans le domaine des jeux vidéo. Un concepteur de jeux aux pratiques douteuses a fermé ses portes et a blâmé Steam. Silicon Echo Studios, une entreprise reconnue pour publier des jeux vidéo de qualité médiocre, selon Radio-Canada.ca, vient de fermer ses portes après que la boutique en ligne Steam ait retiré la semaine dernière plus de 150 jeux de son catalogue. Selon cette dernière, tous les jeux supprimés provenaient de ce studio qui utilisait des pratiques douteuses pour dégager un profit. Un courrier envoyé par Steam au site spécialisé Polygon révèle que les 150 jeux touchés par cette mesure semblaient provenir de différents studios, dont Silicon Echo Studios et Zonitron, mais qu'ils étaient finalement tous issus du même. Le géant du commerce de jeux vidéo en ligne allègue que Silicon Echo Studios utilisait une pratique connue sous le nom de Asset Flipping, soit la récupération d'éléments préprogrammés pour créer de nombreux jeux en un laps de temps très court. De cette façon, l'entreprise pouvait soumettre plusieurs jeux à la fois sur la plateforme de vente pour éviter de payer plus d'une fois les frais de 100$ exigés pour la soumission d'un jeu. Silicon Echo Studios parvenait à faire des profits au moyen du système de cartes à collectionner virtuelles de la plateforme Steam. En effet, les concepteurs de jeux qui font affaire avec Steam peuvent distribuer un certain nombre de ces cartes aux personnes qui possèdent leurs jeux. Ces cartes peuvent être échangées ou vendues sur le marché interne de Steam pour une valeur dépassant rarement les 15 cents, et un certain pourcentage des ventes est versé au studio, et le joueur peut conserver le reste et s'en servir comme crédit lors d'achats subséquents sur Steam. Certains joueurs choisissent aussi de collectionner toutes les cartes d'un jeu pour obtenir certains avantages dans la boutique. En vendant ses jeux au rabais ou même en les offrant gratuitement, Silicon Echo Studios parvenait à être rentable grâce à la vente de cartes à collectionner. Silicon Echo Studios estime que le retrait de ses jeux par Steam était injustifié puisque le studio ne contrevenait pas, selon lui, aux règles de la plateforme, tel qu'on peut lire dans un courriel sur lequel Polygon a pu mettre la main. Selon le studio, les images et les descriptions présentées dans la boutique étaient représentatives de ce que les joueurs allaient découvrir en achetant le jeu annoncé. Le studio souligne aussi dans son courriel qu'il n'est pas illégal de faire de la récupération d'éléments préprogrammés puisqu'il est lui-même propriétaire de ces éléments. Un responsable a par ailleurs admis que plusieurs noms de studios étaient cités comme concepteurs, mais que tous les jeux étaient distribués sous le même nom et que cette stratégie ne visait pas à tromper les acheteurs. Le retrait des jeux qui s'est fait de façon unilatérale et le sort de Silicon Echo Studios mettent en lumière le quasi-monopole de Steam, l'un des acteurs principaux du domaine de la vente de jeux vidéo dématérialisés. Un tel genre de décision de la part de ce géant pourrait avoir des conséquences importantes pour un studio indépendant qui verrait l'un de ses jeux, ou même sa collection complète, retirée sans avertissement par la plateforme. La part de marché de Steam était connue et l'entreprise protège jalousement ce type d'informations, mais une estimation faite par l'un de ses compétiteurs en 2014 indiquait que la boutique en ligne pourrait générer 70% des ventes totales de jeux en ligne pour ordinateur personnel. Les principaux compétiteurs de Steam sont Origin chez Electronic Arts, Uplay chez Ubisoft, Battle.net chez Blizzard Entertainment et GOG.com pour CD Projekt. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les jeux vidéo, on parle de privilégier les jeux vidéo utiles à la mémoire. Vous avez peut-être passé la soirée avec votre manette à la main là, à tuer des méchants au sein de l'univers labyrinthique de Assassin's Creed, nous dit l'agence Science Presse. Pourtant, malgré les nombreux déplacements au sein de votre jeu préféré, ces manipulations auraient un impact plutôt négatif sur votre cerveau. C'est du moins ce qu'assure une étude québécoise parue récemment dans la revue Molecular Psychiatry. Les chercheurs ont comparé les cerveaux des joueurs à des non-joueurs. Si on croit que tous les jeux favorisent le vieillissement sain du cerveau, on se trompe. Cela a un impact défavorable sur la mémoire spatiale. La consommation élevée de certains jeux vidéo va empirer ce phénomène. Par exemple, jouer de trop nombreuses heures aux jeux vidéo de tir à la première personne modifierait la plasticité d'une zone qui est centrale pour la mémoire spatiale épisodique, l'hippocampe, cette zone qui nous aide à nous souvenir longtemps des événements de notre vie. Chez les joueurs de ce type de jeu, comme Call of Duty, Killzone et Borderlands, les chercheurs ont constaté une réduction de la matière grise au sein de l'hippocampe. En plus d'avoir un impact sur la mémoire, cette régression pourrait en avoir un, sur le comportement et l'humeur. En tout, les chercheurs ont fait appel à 97 jeunes participants qu'ils ont soumis à 90 heures de jeu après avoir évalué leur stratégie pour se repérer dans l'espace à l'aide d'un parcours 3D. Résultat, 85% des utilisateurs de la stratégie dite de réponse par stimulus voient des répercussions dans leur cerveau. Cette stratégie concerne ceux qui bougent suivant une routine et regardent moins les points de repère et donc sollicitent moins leur hippocampe. Ce seraient eux qui en souffriraient le plus dans leur cerveau. Le neurologue Antoine Hakim, qui n'a pas été impliqué dans la recherche, la juge bien faite et dotée de nombreuses mesures de contrôle permettant de quantifier les résultats. Auteur d'un ouvrage sur la question qui s'appelle « Préserver votre vitalité mentale » dans lequel il donne des règles pour prendre soin de son cerveau, le neurologue souligne que la clé est de rester actif et de veiller à sa bonne santé générale comme son poids, la pression artérielle, le sommeil. Il cite une étude célèbre des années 80 et 90 sur les religieuses qui avait démontré que les plus actives étaient celles qui avaient su garder leur cerveau en santé. Eh ben! En passant, une petite bulle comme ça chez l'agence Science Presse qui nous dit que les jeux de tir à la première personne sont plutôt addictifs, donc créent une dépendance. Et il y a une raison pour ça. Les parties de notre cerveau qui sont sollicitées. Les joueurs sont sur le pilote automatique des noyaux codés, ce qui produit du stress et de l'hypervigilance, nous dit Véronique Bobot. C'est un mécanisme de survie, mais ce mécanisme a aussi pour conséquence qu'il est dur de décrocher. Et pour qui s'imaginerait être en train de préparer son cerveau en combat réel? Pas question, sanctionne Véronique Bobot. Les meilleurs soldats ne sont pas ceux qui tirent le plus vite sur la gâchette, mais ceux qui possèdent une bonne mémoire afin de pouvoir discriminer les cibles potentielles. Toujours en jeu vidéo, Paramount veut produire un film dédié à Sonic the Hedgehog. Le studio américain a sécurisé les droits de la franchise de jeux détenue par Sega en vue d'en produire une adaptation cinématographique. Le hérisson, donc le plus rapide du monde, pourrait bien avoir droit à son adaptation cinématographique. C'est ce que dit The Hollywood Reporter. C'est Paramount Pictures qui aurait mis la main sur les droits de cette franchise et le projet serait déjà relativement bien avancé puisque le média évoque Tim Miller, qu'on connaît pour Deadpool et Terminator 6, au poste de producteur, tandis que Jeff Fowler, un jeune cinéaste spécialisé dans l'animation, devrait faire ses débuts à la réalisation. Il faut donc s'attendre à un film d'animation et on espère y découvrir l'univers fun et coloré de Sonic, un héros de jeux vidéo très populaire qui a su traverser les époques. 360 millions de copies de ses jeux se sont vendues à travers le monde depuis la première apparition du personnage en 1991. Un article de Plugin. Nouvelle intéressante dans ce cas-ci sur iOS. Plusieurs disent que Apple fait de la désuétude programmée. Comment est-ce qu'on appelle ça? Obsolescence programmée, voilà. Désuétude, je sais pas où j'ai pris ça. Bref, une série de tests de rapidité menés sur de vieux iPhones montrent que les passages à une nouvelle version d'iOS engendrent de faibles différences de performance. L'éditeur FutureMark, connu pour ses tests de rapidité PCMark et 3DMark, vient de réaliser une série de mesures sur l'influence d'une nouvelle version d'iOS sur un iPhone. Ces mesures visent à répondre à la rumeur disant que Apple s'arrangerait pour volontairement rendre plus lent ses vieux iPhones avec les nouvelles versions d'iOS, afin de forcer les gens, bien sûr, à acheter un nouveau modèle. Pour cela, l'éditeur collecte depuis 2016 les résultats de ses tests. Il a donc comparé les scores du test 3DMark Slingshot Extreme sur un iPhone 5S avec trois versions différentes de iOS. Le tableau, donc disponible sur assemblagerequipe.com, montre que les différences de performance au niveau de la puce graphique sont minimes. Et je le vois devant moi, là, il faudrait que je mette une règle pour voir à l'écran la différence entre les lignes. Même chose pour les performances de processeurs. Là, on le voit un petit peu, mais c'est vraiment mineur. Là. Vraiment pas grand-chose. FutureMark a également effectué des mesures sur des iPhones 6, 6S et 7 pour parvenir à des conclusions similaires. On constate certes des variations, mais vraiment très très faibles. Si les résultats de FutureMark sont dignes d'intérêt, ils restent synthétiques et l'éditeur n'indique pas si la version du logiciel reste la même pour tous les tests. Les lenteurs constatées par les utilisateurs peuvent aussi venir des nouvelles fonctions de l'OS ainsi que de nouvelles versions des applications installées qui, elles, ne sont pas optimisées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de conspiration ou de complot de la part d'Apple, nous disent-ils, pour pousser l'utilisateur à acheter un nouvel iPhone. C'est la pub et le marketing qui s'en charge et Colin que j'embarque donc là-dedans. Malheureusement pour mon budget. Et finalement, un groupe de musique utilise le lag de Facebook Live pour looper sur sa propre chanson. Facebook Live, qui est un outil pour quiconque veut partager en direct ce qu'il voit à ses amis, pas toujours intéressant. Malheureusement, la diffusion a quelques secondes de lag, le temps que la donnée traverse la planète et arrive à son destinataire. Ben justement, un groupe de musique a eu l'idée d'utiliser ce lag de manière assez originale. Facebook Live accuse donc toujours un décalage de quelques secondes entre l'audio et la vidéo. Mais plutôt que de l'ignorer, le groupe irlandais The Academic a décidé de s'en servir dans l'une de ses chansons. Ils ont interprété donc leur nouveau single Bear Claws en loopant certains riffs. Je cite, nous avons réarrangé chaque instrument sur Bear Claws pour correspondre au décalage de Facebook Live. Chaque loop devenant de plus en plus complexe en ajoutant des instruments, des rythmes et des mélodies. De plus, en projetant le flux vidéo depuis une scène, ils ont créé un mini-tunnel infini reprenant tous les loops enregistrés précédemment. Donc, il y a un résultat que je vous laisse entendre pour aller à la pause. The Academic Bear Claws Live Looper Version. Donc, petit délai sur Facebook qui nous occasionne cette jolie chanson qui devrait commencer dans les prochaines secondes. Ça a été filmé en une seule prise en direct sur Facebook pour la toute première fois. Donc, la voici sur C'est fou. Oh, Mathieu, plan. Chopin sur play de ton vidéo. 16h30, il montre l'heure en arrière pour vous montrer que c'est vraiment en direct. Et un jour, la musique va commencer. Un jour. T'es en train de mettre son YouTube en plein écran. Très beau. Ça vous dérange pas que j'avance un petit peu juste? Et oh, ah, oh, oh. On installe le micro. Oui, oui, oui. C'est vraiment pertinent de laisser ça dans votre vidéo. Hey. Et voilà. Oh. Hey. Oh. On va voir le deuxième extrait embarqué en live derrière. Quand vous allez entendre le gars chanter. À date, il y a un bon 10 secondes de retard. Says it's over. vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Listening to DJ 8-Bit Mullet. We be the crew that possessed it all wicked instrumental. It's damaging your mental, from here to Sacramento. This here groove was made for vintage freestyling. Feeling like I'm chilling on a Caribbean island. Rugged raw material is what we bring forth. A top core course we representing up north. When Scott just saying in the back, acting all silly. Kicking freestyle rap, rolling up Philly. It's the four-man fiasco, in charge like Roscoe. Now you get the picture like Picasso. We make it happen when these niggas start rapping. Who this captain? Stick out your hand, you get no napping. I got the razor, got the fife, I got the shahi. Now all you shorties move your ass while you puff weed. Bless the fans with autographs in my pants. While other rappers get gas, they beat their feet to the task. Yo, everything is there when you're living in the city. Love. Got a big kahuna, wish I met her sooner. Instead I met her later, my love is much greater. Put me on a roster, to rid her of imposters. And to sell the Buddha for the sexy drug ruler. Love is my motive, now I'm drug promoter. Plus I needed records, to fill up my buckets. Supply me with the squeezy, to make my life easy. Now I'm into action for this fatal attraction. But won't you let me catch you with a joint up in these bitches. And don't you even dare to plan a plot up for my riches. Cause if you play me out, I think I'll let you be. I'll be damned if I let my brother try to get me. I play my cards well, try to live swell. For the G, I was so, cause I was deep in love. But then I really wasn't, she had a flop cousin. Who would give me beauty on the side of my cutie. We mean she kinda knew, that I would do the deed. But she didn't care, I did my work with fear. Until she reached the top, top, top, top. Love, baby. We do it all for the love, y'all. Yeah, we do it all for the love, y'all. Whether white, black, Spanish, ain't a thug, y'all. We do it, we give it all for the love, y'all. We just giving it all for the love, y'all. We do it all for the love, y'all. We in the party, put your hands up here, y'all. Yeah, we do it all for the love, y'all. We do it. Love getting down in the love of cool breeze. Love seeing checks from record companies. Love, love, love, cause I love what I do, and we do a thing, pull the one I took, and the rest of the country comes from there too. Making sure love is given when I get it from you. Everybody, we regulate the parties. Come on, love it when I get a little rugged with it. Love, the circumstance to make my dough flow right. Love rockin' mics, plus the ill style ice. She doesn't feel good, but love to make it more better. Got me kinda open in the DK sweater. Love when my peoples come home from jail biz. Really love women and I really love kids. Love tight clubs where the music is bang. Can't fuck with gas women or a shorty got bangs. Loving it, yeah, yeah, I'm loving it, yeah. Another woman when she got a tight outfit. Come on. Outfit, need an outlook and disposition. You love it when it does a love composition. She love peanut butter and jelly all week. Wildin' out, making hot kids to hot beats. From Ohio to Poughkeepsie. From Phoenix to NC. From Cali to DC. Love it when the pressure falls right on me. Love it when God keeps on overlooking. Do a tight show so promoters keep booking. We do it all for the love, y'all. Yeah, we do it all for the love, y'all. We get the paper, but it's still for the love, y'all. For the Love of Yoshi par 8-Bit Mullet. Ça a été un petit peu de contexte, là. Vous aurez compris que j'étais supposé revenir pour la présenter juste avant que la pièce joue. The Low and Yoshi, en fait, c'est un mixtape. C'est un hommage à Tribe Called Quest. C'est un band, là. Et puis, on a des paroles qui fit avec la musique de Yoshi's Woolly World sur la Wii U en 2016. Donc, le gars dit qu'il a joué beaucoup à Yoshi's Woolly World avec ses enfants et les chansons sont devenues mémorables pour lui. Il a commencé à niaiser un peu dans un logiciel pour essayer de trouver le même beat avec des pièces de Tribe Called Quest, puis ça a fait ce remix-là. On va en jouer une deuxième tantôt pour pouvoir vraiment comprendre le principe, parce que présenter le contexte après, ça fait un petit peu bizarre. Mais pour l'instant, c'est le moment du segment Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, la chronique qui parle de tout ce qui bouge. Et on commence en voiture avec Waymo qui lancerait son service de voiture autonome à la demande dès l'automne. La filiale d'Alphabet veut proposer dans les mois à venir Chauffeur, un service de voiture sans conducteur capable de transporter des passagers. L'ambition est grande, la promesse belle, mais il semblerait, oui, que tout ne soit pas tout à fait prêt. En septembre 2012, à l'occasion de la signature de l'acte légal permettant à Google de tester des voitures autonomes en Californie, Sergey Brin prédisait qu'il faudrait encore un certain nombre d'années avant que ces véhicules sans conducteur puissent vraiment partir à la conquête du monde, ou en tout cas de ses routes. Le cofondateur de Google précisait dans la foulée un nombre d'années que je peux compter avec une seule main. Donc 5 ans, on comprend, c'était un objectif. Il rendait tout à coup nerveux ses ingénieurs présents dans la pièce. 5 ans plus tard donc, les ingénieurs de chez Waymo, le nom de l'entreprise en charge de l'effort automobile autonome d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, sont toujours un peu tendus. Et cela ne devrait pas aller en s'améliorant. À en croire The Information, le service de voiture autonome à la demande de la société, donc Chauffeur, devrait être lancé à Chandler, une banlieue de Phoenix, dès cet automne, et non sans quelques tensions internes. Selon le site, la volonté exprimée par Sergey Brin et Larry Page de presser le pas passe en effet assez mal auprès des ingénieurs, d'autant plus que les équipes n'apprécient pas forcément beaucoup John Krafcik, ancien de Ford et CEO, président directeur général de Waymo, depuis le départ du meneur historique du projet Chris Urmson. Le nouveau venu n'est pas un ingénieur et a pour mission de mener à bien le projet Chauffeur le plus rapidement possible, une mission essentielle aux yeux des deux fondateurs du géant américain qui suivent ce dossier de très près, au point, semble-t-il, d'imposer leur décision au nouveau directeur général. Pas forcément pour le meilleur. C'est lui qui a poussé Larry Page, poussé par Larry Page, qui s'inquiétait d'une explosion des coûts, a mis fin au partenariat à grande échelle établi avec Ford, selon The Information. Le géant de l'automobile devait fournir les véhicules à partir desquels seraient produites les voitures autonomes. Cette solution avait le soutien des ingénieurs et de Dimitri Dolgov, soldat de la première heure du projet, désormais en charge de la division logicielle de Waymo. Une fois cette option abandonnée, Waymo a dû négocier un nouvel accord moins ambitieux avec Chrysler, qui fournit désormais les minivans hybrides qui servent de base au programme Chauffeur, un retard lourd pour le projet. Une route longue et chaotique parsemée de divergences entre les deux dirigeants et les équipes de Waymo. Aussi, toujours selon The Information, les fondateurs de Google souhaitent lancer une flotte de véhicules autonomes sans aucun conducteur humain. Mais les dirigeants de Waymo ont dû les convaincre que la présence humaine était encore nécessaire dans certains contextes précis, comme les trajets plus longs ou ceux empruntant des routes privées qui ne sont pas répertoriées par Waymo. Et il ne s'agit pas seulement de quelques chemins de terre, mais également des labyrinthes routiers qui mènent d'une voie publique à un centre commercial privé. Depuis, la société californienne a passé des accords avec Lyft pour gérer ces types de trajets particuliers. Lyft est un petit peu une alternative à nos amis de Uber. Mais au-delà de ces problèmes résolus ou contournés, The Information semble indiquer que les voitures de Waymo ne sont pas encore totalement prêtes. Ainsi, selon des sources du titre américain, les voitures autonomes sont testées depuis un an et demi dans les rues de Chandler et des banlieues aux alentours. Or, malgré ces tests, elles peinent toujours à gérer les cul-de-sac, nombreux dans les banlieues américaines où elles doivent faire des demi-tours en trois temps qu'elles peinent à effectuer apparemment. Plus préoccupant encore, ces voitures ont dû parfois arrêter d'essayer de tourner à gauche parce que le logiciel embarqué n'arrivait pas à trouver le bon comportement face à l'absence de flèches vertes indiquant la possibilité de tourner à un croisement non protégé. Un cas de figure courant un peu complexe qui peut perturber les conducteurs humains et semble poser un vrai problème à une voiture intelligente. Il est d'ailleurs particulièrement intéressant de noter que ces carrefours ont posé davantage de soucis aux voitures autonomes après leur mise à jour, poussée quotidiennement ou hebdomadairement. Censées enrichir leurs connaissances, leur maîtrise de la conduite et des dangers qu'on peut y croiser, elles ont au contraire fait baisser le taux de confiance de la voiture lorsqu'il s'agit d'aborder des croisements, ce qui implique qu'elle ne sait plus quoi faire. Jusqu'à présent, le conducteur à bord prenait le relais, mais sans pilote, qu'est-ce qui va se passer? Car le point d'achoppement est là, Waymo ne veut pas de conducteur humain pour chauffeur, contrairement à Uber qui fournit déjà des courses autonomes, mais avec un pilote à bord. L'impact psychologique est moindre, évidemment, nous dit 01net.com. De fait, le géant de Mountain View semble plutôt vouloir déporter le conducteur et en faire un contrôleur. Il a d'ores et déjà mis en place des centres de commande avec des personnes assises derrière un écran qui surveillent des écrans. Leur tâche est de confirmer à une voiture en cas de doute si ce qu'elle croit voir est bien la réalité. Et si le téléopérateur ne réagit pas immédiatement, la voiture est supposée s'arrêter et se garer sur le bas-côté, expliquait une source à The Information. Là, il y a plein d'autres détails. On dit donc que Sergey Brin précisait que les voitures sans conducteur seraient parmi nous d'ici 5 ans. On est rendu là, le futur est derrière une porte blanche, mais sachant ce que doivent nous apporter ces nouveaux moyens de transport, est-on vraiment à quelques mois près? C'est ce que nous demande l'article, et je crois que non. Justement, parlant d'automobile, le conducteur distrait par la high-tech. Depuis quelques années déjà, les constructeurs automobiles ont compris que les acheteurs veulent de plus en plus de technologies et services dans leurs voitures. Certaines nouveautés sont véritablement utiles, notamment celles concernant les aides à la conduite et l'amélioration de la sécurité, tandis que d'autres relèvent peut-être plus du gadget et auraient tendance à distraire le conducteur. Une étude menée par la Fondation pour la sécurité routière de l'Association automobile américaine, donc l'American Automobile Association Foundation for Traffic Safety, sur ces nouvelles technologies embarquées, montrerait qu'elles peuvent s'avérer dangereuses. L'étude publiée au début du mois d'octobre a été commissionnée par la Fondation, donc celle que je viens de mentionner, à l'Université de l'Utah, qui a testé 30 véhicules embarquant des nouveaux systèmes connectés. Désormais, il est en effet possible de naviguer sur Internet, d'envoyer des photos ou encore de mettre à jour son statut Facebook grâce à l'ordinateur de bord de la voiture connectée via 4G. Ces nouvelles utilisations n'apportent rien en termes de sécurité pour le conducteur et selon l'étude, déjà critiquée par les constructeurs, elles entraîneraient au contraire une forte distraction du conducteur. Les chercheurs estiment qu'après avoir envoyé un courriel, le conducteur est distrait pendant 27 secondes, un laps de temps suffisant pour parcourir plus de 100 mètres en roulant à 40 km/h. L'étude a analysé les 30 véhicules des voitures de luxe embarquant les dernières technologies en les classant de la catégorie très distrayant à peu distrayant. Les chercheurs ont estimé que tous les modèles étaient à minima modérément distrayants du fait des possibilités fournies aux conducteurs dans l'habitacle. Un conducteur distrait est responsable aux États-Unis de 10% des accidents du pays. On parle de 3477 décès sur les routes à cause d'un conducteur distrait en 2015. Pour l'association susmentionnée, les constructeurs sont en partie responsables de ce problème puisqu'ils surenchérissent pour fournir les toutes dernières nouveautés à leurs clients. Mais les conducteurs sont également responsables de leurs actions et ils ne devraient pas utiliser ces fonctions non nécessaires à la conduite lorsqu'ils sont au volant et qu'ils sont en train de rouler. L'association propose que les constructeurs intègrent par exemple un système permettant de désactiver ces fonctions lorsque la voiture roule, un peu comme iOS d'Apple le fait dans iOS 11. On change des voitures aux véhicules tout-terrain avec K7 Buggy, un Robocop tout-terrain. La société américaine Nightscope vient de dévoiler deux nouveaux modèles de robots de surveillance, dont un impressionnant tout-terrain autonome appelé le K7 Buggy au design futuriste. On le dirait sorti d'un film de science-fiction, comme disent tous les articles, je crois, de ce genre sur Futura. Tiens. Donc ici, on parle d'un engin de surveillance tout-terrain. Il a été élaboré par la société Nightscope, à laquelle on doit le robot Vigil K5 qui patrouille dans quelques dizaines de parkings, stationnements et centres commerciaux en Californie. Le K7 pousse le concept plus loin avec un buggy capable de se déplacer de façon autonome sur différents types de terrains accidentés ou meubles. meuble. À ses quatre roues directionnelles lui confèrent une grande manœuvrabilité malgré sa taille imposante et son poids, près de 3 mètres de long pour 1,60 m de large et 350 kg. Sa vitesse est bridée à 5 km/h, mais il pourrait sans doute se déplacer plus rapidement. On peut le voir à l'œuvre dans une vidéo de conférence de presse de présentation diffusée par Nightscope via Facebook sur assemblagerequis.com. Le cassette est équipé d'une série de capteurs et de caméras qui relaient un flux vidéo et audio à un centre de contrôle. C'est en quelque sorte une caméra de surveillance mobile qui peut patrouiller, détecter un intrus, lire les plaques d'immatriculation, mais ce n'est pas un Robocop capable d'appréhender une personne par contre. Nightscope loue les services de ces robots vigiles pour 7$ de l'heure US, ce qui représente la moitié du salaire horaire d'un vigile humain aux États-Unis. Mais bien évidemment, la machine offre un service beaucoup plus limité et elle n'est pas infaillible. En juillet 2016, K5 a renversé un enfant et continué sa route comme si de rien n'était. Aucune conscience. Plus comique, nous dit-on, un autre K5 est tombé dans une fontaine cet été. C'est une vidéo qui est devenue virale. Même un gif animé, je crois. Bref. Ensuite, Aston Martin dévoile un sous-marin, le projet Neptune. On fait une petite référence à James Bond dans l'article, je vous en épargne. Aston Martin s'est associé à Triton Submarines pour travailler sur ce projet Neptune, un véhicule en édition extrêmement limitée basé sur le sous-marin Triton 1650-3LP. C'est un super sous-marin de la même manière qu'existent les super yachts. Et la facture le classe définitivement dans cette nouvelle catégorie. On parle de 3,3 millions de dollars américains, le sous-marin de base de Triton. La version Aston Martin devrait être bien au-delà de ses prix. En ce qui concerne les performances, le projet Neptune est capable de descendre sous les 500 mètres de profondeur et offre une autonomie de 12 heures. Ceci si Aston Martin garde les spécifications du sous-marin de base de Triton. Pour l'instant, la date de disponibilité de ce très bel engin n'est pas connue, mais il ne fait aucun doute que certains gros portefeuilles seront ravis d'acquérir un tel nouveau jouet, nous dit Uber Gizmo. Ensuite, la voiture volante. On passe d'en dessous de l'eau à bien au-dessus avec une voiture volante qui se lance dans un tour du monde, la PAL V Liberty. La société néerlandaise PAL V, qui commercialisera sa voiture volante l'année prochaine, compte réaliser le premier tour du monde avec ce type de véhicule hybride. Le périple de la PAL V Liberty devrait durer entre 60 et 90 jours. Alors que la voiture volante Aero Mobile est censée être commercialisée d'ici la fin de l'année, l'un de ses concurrents directs a choisi de faire parler de lui en organisant un événement inédit. PAL V International BV compte réaliser un tour du monde avec sa propre voiture volante, la PAL V Liberty. Cette autogire à trois roues capable d'emporter deux personnes sera commercialisée l'année prochaine. Pour pouvoir voler avec ce type d'engin, il faudra posséder une licence de pilote. D'ici là, Mark Jennings Bates, vice-président, on dirait vraiment un nom d'homme riche, hein, Mark Jennings Bates, quand même, vice-président en charge des ventes chez PAL V, se lancera dans ce tour du monde à partir de la ville de San Francisco aux États-Unis. Selon le site Futurism qui a relayé l'information, le principal défi du pilote sera celui de la consommation. En mode voiture, la PAL V Liberty peut parcourir 1315 km avec une consommation moyenne de 7,6 litres par 100 km et atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. En mode avion, elle peut parcourir jusqu'à 500 km avec un seul passager à une vitesse et une altitude maximale respectivement de 180 km/h et de 3500 mètres. Aucun détail n'a été communiqué sur le déroulement de ce tour du monde ni de sa date de départ. On sait juste que Mark Jennings Bates, Master Jennings Bates, volera seul mais sera suivi par une seconde voiture volante dont le pilote filmera le périple. L'aventure est initialement prévue pour durer 90 jours mais son initiateur espère boucler le tout en 60 jours. On s'en va en Suisse et on reste dans le ciel. On va tester la livraison d'échantillons de sang par drone. La livraison par drone est progressivement adoptée dans le monde pour des situations spécifiques et c'est désormais la Suisse qui ouvre un service à vocation médicale. Si la livraison de colis par drone n'est pas disponible partout, les quadrirotors, comme on est supposé les appeler, sont déjà exploités pour réaliser quelques livraisons et ce sera prochainement le cas en Suisse pour effectuer les livraisons entre les laboratoires médicaux. La Suisse a ainsi récemment accepté la mise en place d'un programme visant l'utilisation de drones pour le transport d'échantillons médicaux entre les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. Ce sont principalement des échantillons de sang qui seront ainsi envoyés par les airs pour raccourcir les délais dans les zones les plus escarpées du pays. La première livraison devrait avoir lieu au mois d'octobre, donc bientôt. Maternet, la société américaine qui propose les drones, installera des stations d'accueil sur le toit des laboratoires et des hôpitaux. Ces stations se chargeront de sécuriser le drone à son arrivée et de le connecter pour le recharger. Si le projet est concluant, Maternet évoque déjà la possibilité d'installer plusieurs de ces bornes dans le pays pour proposer un service de livraison commerciale. Et pour terminer ce bloc, DHL lance un service de livraison de colis vers la Lune. Oh oui! DHL et Astrobotics se sont associés pour mettre au point le premier service de livraison extraterrestre. Une première mission lunaire commerciale est prévue pour 2019. Le transporteur DHL s'est associé à la firme aérospatiale américaine Astrobotics pour concevoir un engin spatial capable d'embarquer et de déposer des colis sur la Lune. Un service qui s'adressera aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Si la première mission lunaire n'aura lieu qu'en 2019, vous pouvez d'ores et déjà commander des DHL Moonbox sur le site de Astrobotics. Mais attention, atteindre la Lune ne se fait pas à n'importe quel prix. Il vous faudra ainsi compter $460 US pour un colis de 1,27 par 0,31 cm. C'est minuscule! Et $1,660 US pour un colis de 2,5 par 2,5 cm. À ce tarif et dans ses proportions, seuls de petits objets précieux ou symboliques comme une bague ou des mèches de cheveux pourront être envoyés sur la Lune. Leur mission lunaire commerciale offrira pour la première fois aux institutions et aux États du monde entier l'opportunité d'atteindre la Lune à un coût historiquement bas, a indiqué le vice-président du développement au sein d'Astrobotics. On veut bien le croire quand on sait qu'actuellement, transporter 1 kg de matériel sur la Lune coûterait $1,2 million US. Mais l'envoi des DHL Moonbox sur la Lune ne représente qu'une petite partie du projet. En effet, aux colis des particuliers qui seront envoyés lors de la première mission lunaire s'ajouteront 35 kg de matériel scientifique. À terme, DHL et Astrobotics ambitionnent de transporter 265 kg de chargement à but scientifique et d'exploration. Voilà pour le segment. Merci, science. On s'en va entendre une pièce que, oui, je vais... C'était une deuxième pièce. Oui, de la compilation de Yoshi tantôt. Je viens de me souvenir de ça, là, en temps réel. C'est la pièce Check the Twine, donc une pièce de A Tribe Called Quest mélangée avec la musique de Yoshi's Woolly World sur la Nintendo Wii U. Donc voici Check the Twine. MPS, le Mathieu Plante Chaussure, c'est fou! Check the facts. Stone Groove, baby. The boulevard I lended. We used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mask down, so step off the Frankfurter. Ayo, point five, all the time, tip. Yeah, on point five, all the time, tip. Yeah, on point five, all the time, tip. Ayo, so let me get down and let me drop my lip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. And if you say my style is whack, it's where you're dead wrong. I say that body and I'm so gun, don't push it along. You be a fool to revive the fight, you're not the man. Cause you know, and I know, that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none can test me. I'm just a fight MC who's 5'3" and very brave. On top of raining, no home training, cause I misbehave. I come correct and full effect, I ball my hoes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Ayo, Tip, do you recall when we used to rock? Those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the Resurrector, yeah, and give the dead some love. Okay, if Mallory's on time, or always on my beat, at least the beat will combine the calluses and chords with a funky bass line. You won't need underdog for a nickel shoe shine on the shoes that flat. But can I get a level on the bass and on the treble? Footing up and down like a UNLV rebel. The answer be a beast, it's what we really think acoustics. Can't be too much slacking, not too much backing. You must contain the neck, at least to dip your hips and back. Your feet will be in motion, so at least realize the fact. The rhythms are inserted and the nerves can be converted. This ain't rock and roll, cause the rap is in control. Cause the rap is in control. If there's a storm that's brewing, it won't keep us from doing. I think as we start swinging, traveling is bringing joy inside the domes as we hit the road to Rome. A chair is not a chair, a house is not a home. Because my skin is brown, yo, I'm gonna do the town. Rub it in the face and run my feet all through the place. When you get your finger on the music, it'll linger. Sing a song of sixpence, sing it like a singer. A newbie and a newbie and a proud one that remember me. The brother who said black is black. You can come while we rest. I don't play, I don't dress. Get emotions off your chest. We are black, even blessed. Making moves, making motions. Flowing like an ocean. The walking will continue. We know that we will bring you. The times that you have made it. Boy, you're dissipated. Be covered not for long, cause the feet will stay strong. C'est Galaxy Burst avec Pika. Une de mes pièces préférées depuis les dernières semaines. Pour vrai, j'adore ça. Je prendrais une version sans les Pika, mais quand même. Donc, Galaxy Burst. Alors, il ne reste pas assez de temps pour faire d'autres chroniques. De toute façon, j'ai épuisé le contenu pour aujourd'hui, étant donné que j'avais pas de chroniqueur avec moi. Donc, on va écouter deux pièces de suite de l'artiste Anders Crusade sur son plus récent maxi qui se nomme Old Pony New Tricks, que vous pouvez retrouver sur anderscrusade.bandcamp.com. Plus tard, il y aura Fallen Brother, mais tout de suite, voici A Ghost Named Nerul. Tout de suite, au Mathieu Plancho. Nerul. Ouais, genre. Thank you. pièce de Anders Crusade, Fallen Brother, précédé de A Ghost Named Nerol. Au Mathieu Plante Show. Et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine en direct, les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 7h à 10h. Et au Palmarès C'est Fou du lundi au jeudi de midi à 13h. Consultez la programmation complète sur CIFU.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Pour les auditeurs du mercredi, c'est là pour Audiomatique. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est le Mathieu Plante. Vous avez été planté et on se quitte avec une pièce de Jerky Me, The Bus Stop at the End of the Universe. À la semaine prochaine. Bye bye.